Ok. 2009, alias Théo, la famille t'a vu? Si, si. Ce morceau je le dédie pour tout ma famille. Ce morceau je le dédie pour tous mes amis. Ce morceau je le dédie pour tous ceux qui me sont chers. Ce morceau je le dédie pour tous ceux qui m'ont soutenu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. William Oma et Fouad, je vous souhaite le bonheur du monde. L'amour, la sincérité et la fidélité. Car l'amour est une belle chose. Car l'amour vaut plus que de l'or. My family, je vous remercie. Yeah. Et pour ça, je vous dédie. Ok, William Oma et Fouad, je vous souhaite tous les merveilles du monde. Mon parcours, mon parcours. La life, la life. Le bonheur. Yeah. Je rappe en connaissance de cause pour tous ces gens que j'ai connus à cause, pour tous ces biens que j'ai connus à forte dose. William, t'es mon frère, ma Eva, ma belle-sœur, et tous les deux, sachez que je vous tiens à cœur. Même si votre bonheur venait de changer de couleur, il restera toujours, toujours gravé dans mon cœur. Yeah, yeah, toujours gravé dans mon cœur. My family, je vous remercie. Je vous souhaite tous les merveilles du monde. Mon parcours, mon parcours, ma life, ma life. Le bonheur, yeah. Soit toujours présent. Tout ce bonheur, je vous le dois. Car mon cœur est rempli de joie. Si un jour le soleil ne se met plus à briller, je vous souhaite tous les merveilles du monde. Mon parcours, mon parcours, ma life, ma life. Le bonheur, yeah. Soit toujours présent. My family, je vous remercie. Yeah. Et pour ça je vous dédie. Ok, William Oma et Eva, je vous souhaite tous les merveilles du monde. Mon parcours, mon parcours, ma life, ma life. Le bonheur, yeah. Soit toujours présent. Je vous remercie et pour ça je vous dédie. Oh, yeah. Mon parcours, ma life, que le bonheur soit toujours présent. Tout en vous.